Mémoire d'outre-tombe par François-René de Chateaubriand, lu par Christiane Jehanne. Première partie, livre 3. Note. Ce livre a été composé au château de Montboissier, juillet-août 1817, et à la vallée au Loup, novembre 1817. Il a été revu en décembre 1846. Fin de note. Promenade. Apparition de Combourg. Collège de Dinan. Brousset. Je reviens chez mes parents. Vie à Combourg. Journées et soirées. Mon donjon. Passage de l'enfant à l'homme. Lucile. Premier souffle de la muse. Manuscrit de Lucile. Dernières lignes écrites à la vallée au Loup. Révélation sur le mystère de ma vie. Fantôme d'amour. Deux années de délire. Occupations et chimères. Mes joies de l'automne. Incantation, tentation, maladie, je crains et refuse de m'engager dans l'état ecclésiastique, un moment dans ma ville natale, souvenir de la ville neuve et des tribulations de mon enfance, je suis rappelé à Combourg, dernière entrevue avec mon père, j'entre au service, adieux à Combourg. Depuis la dernière date de ces mémoires, Vallée au Loup, janvier 1814, jusqu'à la date d'aujourd'hui, Montboissier, juillet 1817, 3 ans et 10 mois se sont passés. Avez-vous entendu tomber l'Empire ? Non. Rien n'a troublé le repos de ces lieux. L'Empire s'est abîmé pourtant. L'immense ruine s'est écroulée dans ma vie, comme ces débris romains renversés dans le cours d'un ruisseau ignoré. Mais à qui ne les compte pas, peu importe les événements. Quelques années échappées des mains de l'Éternel feront justice de tous ces bruits par un silence sans fin. Le livre précédent fut écrit sous la tyrannie expirante de Bonaparte et à la lueur des derniers éclairs de sa gloire. Je commence le livre actuel sous le règne de Louis XVIII. J'ai vu de près les rois, et mes illusions politiques se sont évanouies, comme ces chimères plus douces dont je continue le récit. Disons d'abord ce qui me fait reprendre la plume. Le cœur humain est le jouet de tout, et l'on ne saurait prévoir quelles circonstances frivoles causent ses joies et ses douleurs. Montaigne l'a remarqué. Il ne faut point de cause, dit-il, pour agiter notre âme. Une rêverie sans cause et sans subject la régente et l'agite. Je suis maintenant à Montboissier, sur les confins de la Beauce et du Perche. Le château de cette terre, appartenant à Madame la Comtesse de Colbert-Montboissier, a été vendu et démoli pendant la Révolution. Il ne reste que 2 pavillons, séparés par une grille, et formant autrefois le logement du concierge. Le parc, maintenant à l'anglaise, conserve des traces de son ancienne régularité française. Des allées droites, des taillis encadrés dans des charmilles, lui donnent un air sérieux. Il plaît comme une ruine. Hier au soir, je me promenais seul. Le ciel ressemblait à un ciel d'automne. Un vent froid soufflait par intervalles. À la percée d'un fourré, je m'arrêtais pour regarder le soleil. Il s'enfonçait dans des nuages au-dessus de la tour d'Aluy, d'où Gabrielle, habitante de cette tour, avait vu comme moi le soleil se coucher, il y a 200 ans. Que sont devenus Henri et Gabrielle ? Ce que je serai devenu quand ces mémoires seront publiées. Je fus tiré de mes réflexions par le gazouillement d'une griffe perchée sur la plus haute branche d'un bouleau. À l'instant, ce son magique fit reparaître à mes yeux le domaine paternel. J'oubliais les catastrophes dont je venais d'être le témoin, et transporté subitement dans le passé, je revis ces campagnes où j'entendis si souvent siffler la grive. Quand je l'écoutais alors, j'étais triste de même qu'aujourd'hui. Mais cette première tristesse était celle qui naît d'un désir vague de bonheur lorsqu'on est sans expérience. La tristesse que j'éprouve actuellement vient de la connaissance des choses appréciées et jugées. Le chant de l'oiseau dans les bois de Combourg m'entretenait d'une félicité que je croyais atteindre. Le même chant, dans le parc de Montboissier, me rappelait des jours perdus à la poursuite de cette félicité insaisissable. Je n'ai plus rien à apprendre. J'ai marché plus vite qu'un autre, et j'ai fait le tour de la vie. Les heures fuient et m'entraînent. Je n'ai pas même la certitude de pouvoir achever ces mémoires. Dans combien de lieux ai-je déjà commencé à les écrire ? et dans quel lieu les finirai-je? Combien de temps me promènerai-je au bord des bois? Mettons à profit le peu d'instants qui me reste. Hâtons-nous de peindre ma jeunesse, tandis que j'y touche encore. Le navigateur, abandonnant pour jamais un rivage enchanté, écrit son journal à la vue de la terre qui s'éloigne et qui va bientôt disparaître. J'ai dit mon retour à Combourg et comment je fus accueilli par mon père, ma mère et ma sœur Lucille. On n'a peut-être pas oublié que mes trois autres sœurs s'étaient mariées et qu'elles vivaient dans les terres de leur nouvelle famille, aux environs de Fougères. Mon frère, dont l'ambition commençait à se développer, était plus souvent à Paris qu'à Rennes. Il acheta d'abord une charge de maître des requêtes qu'il revendit afin d'entrer dans la carrière militaire. Il entra dans le régiment de royale cavalerie. Il s'attacha au corps diplomatique et suivit le comte de la Luzerne à Londres, où il se rencontra avec André Chénier. Il était sur le point d'obtenir l'ambassade de Vienne lorsque nos troubles éclatèrent. Il sollicita celle de Constantinople, mais il eut un concurrent redoutable, Mirabeau, à qui cette ambassade fut promise pour prix de sa réunion au parti de la cour. Mon frère avait donc à peu près quitté Combourg au moment où je vins l'habiter. Cantonné dans sa seigneurie, mon père n'en sortait plus, pas même pendant la tenue des États. Ma mère allait tous les ans passer 6 semaines à Saint-Malo, au temps de Pâques. Elle attendait ce moment comme celui de sa délivrance, car elle détestait Combourg. Un mois avant ce voyage, on en parlait comme d'une entreprise hasardeuse. On faisait des préparatifs, on laissait reposer les chevaux. La veille du départ, on se couchait à 7 heures du soir pour se lever à 2 heures du matin. Ma mère, à sa grande satisfaction, se mettait en route à 3 heures et employait toute la journée pour faire 12 lieues. Lucille, reçue chanoinesse au chapitre de l'Argentière, devait passer dans celui de Remiremont. En attendant ce changement, elle restait ensevelie à la campagne. Pour moi, je déclarais, après mon escapade de Brest, ma volonté d'embrasser l'état ecclésiastique. La vérité est que je ne cherchais qu'à gagner du temps, car j'ignorais ce que je voulais. On m'envoya au collège de Dinan achever mes humanités. Je savais mieux le latin que mes maîtres, mais je commençais à apprendre l'hébreu. L'abbé de Rouillac était principal du collège et l'abbé Duhamel, mon professeur. Dinan, orné de vieux arbres, remparé de vieilles tours, est bâti dans un site pittoresque sur une haute colline, au pied de laquelle coule la Rance que remonte la mer. Il domine des vallées à pentes agréablement boisées. Les eaux minérales de Dinan ont quelque renom. Cette ville toute historique et qui a donné le jour à Duclos montrait parmi ses antiquités le cœur de Du Guesclin. Poussière héroïque qui, dérobée pendant la Révolution, fut au moment d'être broyée par un vitrier pour servir à faire de la peinture. La destinait-on au tableau des victoires remportées sur les ennemis de la patrie? Monsieur Brousset, mon compatriote, étudiait avec moi à Dinan. On menait les écoliers baignés tous les jeudis, comme les clercs sous le pape Adrien Ier, ou tous les dimanches, comme les prisonniers sous l'empereur Honorius. Une fois, je pensais me noyer. Une autre fois, M. Brousset fut mordu par d'ingrates sangsues, imprévoyantes de l'avenir. Dinan était à égale distance de Combourg et de Planquette. J'allais tour à tour voir mon oncle de Bédé, à mon choix, et ma famille à Combourg. M. de Chateaubriand, qui trouvait économie à me garder, ma mère qui désirait ma persistance dans la vocation religieuse, mais qui se serait fait scrupule de me presser, n'insistèrent plus sur ma résidence au collège, et je me trouvais insensiblement fixé au foyer paternel. Je me complairais encore à rappeler les mœurs de mes parents, ne me fussent-elles qu'un touchant souvenir. Mais j'en reproduirai d'autant plus volontiers le tableau qu'il semblera calqué sur les vignettes des manuscrits du Moyen-Âge. Du temps présent, au temps que je vais peindre, il y a des siècles. À mon retour de Brest, 4 maîtres, mon père, ma mère, ma sœur et moi, habitaient le château de Combourg. Une cuisinière, une femme de chambre, 2 laquais et 1 cocher composaient tout le domestique. Un chien de chasse et 2 vieilles juments étaient retranchés dans un coin de l'écurie. Ces 12 êtres vivants disparaissaient dans un manoir où l'on aurait à peine aperçu 100 chevaliers, leurs dames, leurs écuyers, leurs varlets, les destriers et la meute du roi Dagobert. Dans tout le cours de l'année, aucun étranger ne se présentait au château, hormis quelques gentilshommes, le marquis de Montlouet, le comte de Goyon-Beaufort, qui demandaient l'hospitalité en allant plaider au Parlement. Ils arrivaient l'hiver, à cheval, pistolets aux arçons, couteaux de chasse aux côtés, et suivis d'un valet également à cheval, ayant en croupe un porte-manteau de livrée. Mon père, toujours très cérémonieux, les recevait tête nue sur le perron, au milieu de la pluie et du vent. Les campagnards introduits racontaient leur guerre de Hanovre, les affaires de leur famille et l'histoire de leur procès. Le soir, on les conduisait dans la tour du Nord, à l'appartement de la reine Christine, chambre d'honneur occupée par un lit de 7 pieds en tous sens, à double rideau de gaze verte et de soie cramoisie, et soutenue par 4 amours dorés. Le lendemain matin, lorsque je descendais dans la grande salle et qu'à travers les fenêtres je regardais la campagne, inondée ou couverte de frimas, je n'apercevais que 2 ou 3 voyageurs sur la chaussée solitaire de l'étang. C'étaient nos hôtes, chevauchant vers Rennes. Ces étrangers ne connaissaient pas beaucoup les choses de la vie. Cependant, notre vue s'étendait par eux à quelques lieues au-delà de l'horizon de nos bois. Aussitôt qu'ils étaient partis, nous étions réduits, les jours ouvrables, en tête-à-tête de famille, le dimanche à la société des bourgeois du village et des gentilshommes voisins. Le dimanche, quand il faisait beau, ma mère, Lucille et moi, nous nous rendions à la paroisse à travers le petit mail, le long d'un chemin champêtre. Lorsqu'il pleuvait, nous suivions l'abominable rue de Combourg. Nous n'étions pas traînés, comme l'abbé de Marolles, dans un chariot léger que menaient 4 chevaux blancs pris sur les Turcs, en Hongrie. Mon père ne descendait qu'une fois l'an à la paroisse pour faire ses Pâques. Le reste de l'année, il entendait la messe à la chapelle du château. Placés dans le banc du Seigneur, nous recevions l'encens et les prières en face du sépulcre de marbre noir de René de Rohan, attenant à l'autel. Image des honneurs de l'homme, quelques grains d'encens devant un cercueil. Les distractions du dimanche expiraient avec la journée. Elles n'étaient pas même régulières. Pendant la mauvaise saison, des mois entiers s'écoulaient sans qu'aucune créature humaine frappât à la porte de notre forteresse. Si la tristesse était grande sur les bruyères de Combourg, elle était encore plus grande au château. On éprouvait, en pénétrant sous ses voûtes, la même sensation qu'en entrant à la chartreuse de Grenoble. Lorsque je visitais celle-ci, en 1805, je traversais un désert, lequel allait toujours croissant. Je crus qu'il se terminerait au monastère, mais on me montra, dans les murs même du couvent, les jardins des chartreux, encore plus abandonnés que les bois. Enfin, au centre du monument, je trouvais, enveloppé dans les replis de toutes ces solitudes, l'ancien cimetière des Cénobites, sanctuaire d'où le silence éternel, divinité du lieu, étendait sa puissance sur les montagnes et dans les forêts d'alentour. Le calme morne du château de Combourg était augmenté par l'humeur taciturne et insociable de mon père. Au lieu de resserrer sa famille et ses gens autour de lui, il les avait dispersés à toutes les aires de vent de l'édifice. Sa chambre à coucher était placée dans la petite tour de l'Est, et son cabinet dans la petite tour de l'Ouest. Les meubles de ce cabinet consistaient en 3 chaises de cuir noir et une table couverte de titres et de parchemins. Un arbre généalogique de la famille des Chateaubriand tapissait le manteau de la cheminée, et dans l'embrasure d'une fenêtre on voyait toutes sortes d'armes, depuis le pistolet jusqu'à l'espingole. L'appartement de ma mère régnait au-dessus de la grande salle, entre les 2 petites tours. Il était parqueté et orné de glace de Venise à facettes. Ma sœur habitait un cabinet dépendant de l'appartement de ma mère. La femme de chambre couchait, loin de là, dans le corps de logis des grandes tours. Moi, j'étais niché dans une espèce de cellule isolée, au haut de la tourelle de l'escalier qui communiquait de la cour intérieure aux diverses parties du château. Au bas de cet escalier, le valet de chambre de mon père et le domestique gisaient dans des caveaux voûtés, et la cuisinière tenait garnison dans la grosse tour de l'ouest. Mon père se levait à 4 heures du matin, hiver comme été. Il venait dans la cour intérieure appeler et veiller son valet de chambre à l'entrée de l'escalier de la tourelle. On lui apportait un peu de café à 5 heures. Il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu'à midi. Ma mère et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre à 8 heures du matin. Je n'avais aucune heure fixe, ni pour me lever, ni pour déjeuner. J'étais censé étudier jusqu'à midi. La plupart du temps, je ne faisais rien. À 11h30, on sonnait le dîner que l'on servait à midi. La grand-salle était à la fois salle à manger et salon. On dînait et l'on soupait à l'une de ses extrémités du côté de l'est. Après le repas, on se venait placer à l'autre extrémité du côté de l'ouest, devant une énorme cheminée. La grand-salle était boisée, peinte en gris blanc et ornée de vieux portraits depuis le règne de François Ier jusqu'à celui de Louis XIV. Parmi ces portraits, on distinguait ceux de Condé et de Turenne. Un tableau représentant Hector tué par Achille sous les murs de Troie était suspendu au-dessus de la cheminée. Le dîner fait, on restait ensemble jusqu'à 2 heures. Alors, si l'été, mon père prenait le divertissement de la pêche, visitait ses potagers, se promenait dans l'étendue du vol du chapon. Si l'automne et l'hiver, il partait pour la chasse, ma mère se retirait dans la chapelle, où elle passait quelques heures en prière. Cette chapelle était un oratoire sombre, embelli de bons tableaux des plus grands maîtres, qu'on ne s'attendait guère à trouver dans un château féodal, au fond de la Bretagne. J'ai aujourd'hui en ma possession une sainte famille de l'Albane, peinte sur cuivre, tirée de cette chapelle. C'est tout ce qui me reste de Combourg. Mon père partit et ma mère en prière, Lucille s'enfermait dans sa chambre, je regagnais ma cellule où j'allais courir les champs. À 8 heures, la cloche annonçait le souper. Après le souper, dans les beaux jours, on s'asseyait sur le perron. Mon père, armé de son fusil, tirait des chouettes qui sortaient des créneaux à l'entrée de la nuit. Ma mère, Lucille et moi, nous regardions le ciel, les bois, les derniers rayons du soleil, les premières étoiles. À 10 heures, on rentrait et l'on se couchait. Les soirées d'automne et d'hiver étaient d'une autre nature. Le souper fini et les 4 convives revenus de la table à la cheminée, ma mère se jetait en soupirant sur un vieux lit de jour de siamoise flambé. On mettait devant elle un guéridon avec une bougie. Je m'asseyais auprès du feu avec Lucille. Les domestiques enlevaient le couvert et se retiraient. Mon père commençait alors une promenade qui ne cessait qu'à l'heure de son coucher. Il était vêtu d'une robe de ratine blanche, ou plutôt d'une espèce de manteau que je n'ai vu qu'à lui. Sa tête demi-chauve était couverte d'un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit. Lorsqu'en se promenant, il s'éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par une seule bougie qu'on ne le voyait plus. On l'entendait seulement encore marcher dans les ténèbres. Puis il revenait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l'obscurité comme un spectre. Avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle. Lucille et moi nous échangeions quelques mots à voix basse quand il était à l'autre bout de la salle. Nous nous taisions quand il se rapprochait de nous. Il nous disait en passant « De quoi parliez-vous ? » Saisis de terreur, nous ne répondions rien. Il continuait sa marche. Le reste de la soirée, l'oreille n'était plus frappée que du bruit mesuré de ses pas, des soupirs de ma mère, et du murmure du vent. Note. Un seul incident variait ces soirées, qui figurerait dans un roman du XIe siècle. Il arrivait que mon père, interrompant sa promenade, venait quelquefois s'asseoir au foyer pour nous faire l'histoire de la détresse de son enfance et des traverses de sa vie. Il racontait des tempêtes et des périls, un voyage en Italie, un naufrage sur la côte d'Espagne. Il avait vu Paris. Il en parlait comme d'un lieu d'abomination et comme d'un pays étranger. Les Bretons trouvaient que la Chine était dans leur voisinage, mais Paris leur paraissait au bout du monde. J'écoutais avidement mon père. Lorsque j'entendais cet homme si dur à lui-même regretter de n'avoir pas fait assez pour sa famille, se plaindre en paroles courtes mais amères de sa destinée, lorsque je le voyais à la fin de son récit se lever brusquement, s'envelopper dans son manteau, recommencer sa promenade, presser d'abord ses pas, puis les ralentir en les réglant sur les mouvements de son cœur, l'amour filial remplissait mes yeux de larmes. Je repassais dans mon esprit les chagrins de mon père, et il me semblait que les souffrances endurées par l'auteur de mes jours n'auraient dû tomber que sur moi. Manuscrit de 1826. Fin de note. 10 heures sonnaient à l'horloge du château, mon père s'arrêtait. Le même ressort qui avait soulevé le marteau de l'horloge semblait avoir suspendu ses pas. Il tirait sa montre, la montait, prenait un grand flambeau d'argent surmonté d'une grande bougie, entrait un moment dans la petite tour de l'ouest, puis revenait, son flambeau à la main, et s'avançait vers sa chambre à coucher, dépendante de la petite tour de l'est. Lucille et moi, nous nous tenions sur son passage. Nous l'embrassions en lui souhaitant une bonne nuit. Il penchait vers nous sa joue sèche et creuse, sans nous répondre, continuait sa route, et se retirait au fond de la tour dont nous entendions les portes se refermer sur lui. Le talisman était brisé. Ma mère, ma sœur et moi, transformés en statues par la présence de mon père, nous recouvrions les fonctions de la vie. Le premier effet de notre désenchantement se manifestait par un débordement de paroles. Si le silence nous avait opprimés, il nous le payait cher. Ce torrent de paroles écoulé, j'appelais la femme de chambre et je reconduisais ma mère et ma sœur à leur appartement. Avant de me retirer, elle me faisait regarder sous les lits, dans les cheminées, derrière les portes, visiter les escaliers, les passages et les corridors voisins. Toutes les traditions du château, voleurs et spectres, leur revenaient en mémoire. Les gens étaient persuadés qu'un certain comte de Combourg, à jambes de bois, mort depuis 3 siècles, apparaissait à certaines époques et qu'on l'avait rencontré dans le grand escalier de la tourelle. Sa jambe de bois se promenait aussi quelquefois seule avec un chat noir. Ces récits occupaient tout le temps du coucher de ma mère et de ma sœur. Elles se mettaient au lit mourantes de peur. Je me retirais au haut de ma tourelle. La cuisinière rentrait dans la grosse tour et les domestiques descendaient dans leur souterrain. La fenêtre de mon donjon s'ouvrait sur la cour intérieure. Le jour, j'avais en perspective les créneaux de la courtine opposée où végétaient des scolopendres et croissait un prunier sauvage. Quelques martinets, qui durant l'été s'enfonçaient en criant dans les trous des murs, étaient mes seuls compagnons. La nuit, je n'apercevais qu'un petit morceau de ciel et quelques étoiles. Lorsque la lune brillait et qu'elle s'abaissait à l'occident, j'en étais averti par ces rayons qui venaient à mon lit au travers des carreaux losangés de la fenêtre. Des chouettes voletant d'une tour à l'autre, passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient sur mes rideaux l'ombre mobile de leurs ailes. Relégué dans l'endroit le plus désert, à l'ouverture des galeries, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Quelquefois le vent semblait courir à pas légers. Quelquefois, il laissait échapper des plaintes. Tout à coup, ma porte était ébranlée avec violence. Les souterrains poussaient des mugissements. Puis ces bruits expiraient pour recommencer encore. À 4 heures du matin, la voix du maître du château, appelant le valet de chambre à l'entrée des voûtes séculaires, se faisait entendre comme la voix du dernier fantôme de la nuit. Cette voix remplaçait pour moi la douce harmonie au son de laquelle le père de Montaigne éveillait son fils. L'entêtement du comte de Chateaubriand à faire coucher un enfant seul au haut d'une tour pouvait avoir quelque inconvénient, mais il tourna à mon avantage. Cette manière violente de me traiter me laissa le courage d'un homme, sans m'ôter cette sensibilité d'imagination dont on voudrait aujourd'hui priver la jeunesse. Au lieu de chercher à me convaincre qu'il n'y avait point de revenant, on me força de les braver. Lorsque mon père me disait, avec un sourire ironique, « Monsieur le chevalier aurait-il peur ? Il m'eût fait coucher avec un mort. » Lorsque mon excellente mère me disait, « Mon enfant, tout n'arrive que par la permission de Dieu. Vous n'avez rien à craindre des mauvais esprits, tant que vous serez bon chrétien. » J'étais mieux rassuré que par tous les arguments de la philosophie. Mon succès fut si complet que les vents de la nuit, dans ma tour déshabitée, ne servaient que de jouets à mes caprices, et d'ailes à mes songes. Mon imagination allumée, se propageant sur tous les objets, ne trouvait nulle part assez de nourriture et aurait dévoré la terre et le ciel. C'est cet être moral qu'il faut maintenant décrire. Replongé dans ma jeunesse, je vais essayer de me saisir dans le passé, de me montrer tel que j'étais, tel peut-être que je regrette de n'être plus, malgré les tourments que j'ai endurés. À peine étais-je revenu de Brest à Combourg, qu'il se fit dans mon existence une révolution. L'enfant disparut, et l'homme se montra avec ses joies qui passent et ses chagrins qui restent. D'abord, tout devint passion chez moi, en attendant les passions mêmes. Lorsque, après un dîner silencieux où je n'avais osé ni parler ni manger, je parvenais à m'échapper, mes transports étaient incroyables. Je ne pouvais descendre le perron d'une seule traite. Je me serais précipité. J'étais obligé de m'asseoir sur une marche pour laisser se calmer mon agitation. Mais, aussitôt que j'avais atteint la cour verte et les bois, je me mettais à courir, à sauter, à bondir, à fringuer, à m'éjouir, jusqu'à ce que je tombasse épuisé de force, palpitant, enivrés de folâtries et de liberté. Mon père me menait, quand et lui, à la chasse. Le goût de la chasse me saisit, et je le portais jusqu'à la fureur. Je vois encore le champ où j'ai tué mon premier lièvre. Il m'est souvent arrivé, en automne, de demeurer 4 ou 5 heures dans l'eau, jusqu'à la ceinture, pour attendre au bord d'un étang des canards sauvages. Même aujourd'hui, je ne suis pas de sang-froid lorsqu'un chien tombe en arrêt. Toutefois, dans ma première ardeur pour la chasse, il entrait un fond d'indépendance. Franchir les fossés, arpenter les champs, les marais, les bruyères, me trouver avec un fusil dans un lieu désert, ayant puissance et solitude, c'était ma façon d'être naturelle. Dans mes courses, je pointais si loin que, ne pouvant plus marcher, les gardes étaient obligés de me rapporter sur des branches entrelacées. Cependant, le plaisir de la chasse ne me suffisait plus. J'étais agité d'un désir de bonheur que je ne pouvais ni régler ni comprendre. Mon esprit et mon cœur s'achevaient de former comme 2 temples vides, sans autels et sans sacrifices. On ne savait encore quel Dieu y serait adoré. Je croissais auprès de ma sœur Lucille. Notre amitié était toute notre vie. Lucille était grande et d'une beauté remarquable, mais sérieuse. Son visage pâle était accompagné de longs cheveux noirs. Elle attachait souvent au ciel ou promenait autour d'elle des regards pleins de tristesse ou de feu. Sa démarche, sa voix, son sourire, sa physionomie avaient quelque chose de rêveur et de souffrant. Lucille et moi, nous nous étions inutiles. Quand nous parlions du monde, c'était de celui que nous portions au-dedans de nous et qui ressemblait bien peu au monde véritable. Elle voyait en moi son protecteur. Je voyais en elle mon ami. Il lui prenait des accès de pensée noire que j'avais peine à dissiper. À 17 ans, elle déplorait la perte de ses jeunes années. Elle se voulait ensevelir dans un cloître. Tout lui était souci, chagrin, blessure. Une expression qu'elle cherchait, une chimère qu'elle s'était faite, la tourmentait des mois entiers. Je l'ai souvent vue, un bras jeté sur sa tête, rêver immobile et inanimé. Retirée vers son cœur, sa vie cessait de paraître au dehors. Son sein même ne se soulevait plus. Par son attitude, sa mélancolie, sa vénusté, elle ressemblait à un génie funèbre. J'essayais alors de la consoler et, l'instant d'après, je m'abîmais dans des désespoirs inexplicables. Lucille aimait à faire seule, vers le soir, quelques lectures pieuses. Son oratoire de prédilection était l'embranchement des 2 routes champêtres marquées par une croix de pierre et par un peuplier dont le long style s'élevait dans le ciel comme un pinceau. Ma dévote mère, toute charmée, disait que sa fille lui représentait une chrétienne de la primitive église priant à ses stations appelées l'or. De la concentration de l'âme naissaient chez ma sœur des effets d'esprit extraordinaires. Endormie, elle avait des songes prophétiques. Éveillée, elle semblait lire dans l'avenir. Sur un palier de l'escalier de la grande tour battait une pendule qui sonnait le temps au silence. Lucille, dans ses insomnies, allait s'asseoir sur une marche en face de cette pendule. Elle regardait le cadran à la lueur de sa lampe posée à terre. Lorsque les 2 aiguilles, unies à minuit, enfantaient dans leur conjonction formidable l'heure des désordres et des crimes, Lucille entendait des bruits qui lui révélaient des trépas lointains. Se trouvant à Paris quelques jours avant le 10 août et demeurant avec mes autres sœurs dans le voisinage du couvent des Carmes, elle jette les yeux sur une glace, pousse un cri et dit « Je viens de voir entrer la mort ». Dans les bruyères de la Calédonie, Lucille eût été une femme céleste de Walter Scott, douée de la seconde vue. Dans les bruyères armoricaines, elle n'était qu'une solitaire, avantagée de beauté, de génie et de malheur. La vie que nous menions à Combourg, ma sœur et moi, augmentait l'exaltation de notre âge et de notre caractère. Notre principal désennui consistait à nous promener côte à côte dans le Grand Mail, au printemps, sur un tapis de primevère, en automne, sur un lit de feuilles séchées, en hiver, sur une nappe de neige que brodait la trace des oiseaux, des écureuils et des hermines. Jeunes comme les primevères, tristes comme la feuille séchée, pure comme la neige nouvelle, il y avait harmonie entre nos récréations et nous. Ce fut dans une de ces promenades que Lucille, m'entendant parler avec ravissement de la solitude, me dit « Tu devrais peindre tout cela ». Ce mot me révéla la muse. Un souffle divin passa sur moi, Je me mis à bégayer des vers comme si c'eût été ma langue naturelle. Jour et nuit, je chantais mes plaisirs, c'est-à-dire mes bois et mes vallons. Je composais une foule de petites idylles ou tableaux de la nature. J'ai écrit longtemps en vers avant d'écrire en prose. Monsieur de Fontane prétendait que j'avais reçu les deux instruments. Ce talent que me promettait l'amitié s'est-il jamais levé pour moi? Que de choses j'ai vainement attendues. Un esclave, dans l'Agamemnon d'Eschyle, est placé en sentinelle au haut du palais d'Argos. Ses yeux cherchent à découvrir le signal convenu du retour des vaisseaux. Il chante pour solacier ses veilles. Mais les heures s'envolent, et les astres se couchent, et le flambeau ne brille pas. Lorsque, après maintes années, sa lumière tardive apparaît sur les flots, l'esclave est courbé sous le poids du temps. Il ne lui reste plus qu'à recueillir des malheurs, et le cœur lui dit qu'un vieillard est une ombre errante à la clarté du jour. Onar et Mérophanton à la Inéi. Dans les premiers enchantements de l'inspiration, j'invitais Lucile à m'imiter. Nous passions des jours à nous consulter mutuellement, à nous communiquer ce que nous avions fait, ce que nous comptions faire. Nous entreprenions des ouvrages en commun. Guidés par notre instinct, nous traduisîmes les plus beaux et les plus tristes passages de Job et de Lucrèce sur la vie. Le Taodet animam meam vitae meae, l'homo natus demuliere, le tumporo puer, ut savivis proiectus ab undis navita, etc. Les pensées de Lucile n'étaient que des sentiments. Elles sortaient avec difficulté de son âme, mais quand elle parvenait à les exprimer, il n'y avait rien au-dessus. Elle a laissé une trentaine de pages manuscrites. Il est impossible de les lire sans être profondément ému. L'élégance, la suavité, la rêverie, la sensibilité passionnée de ces pages offrent un mélange du génie grec et du génie germanique. L'aurore. Quelle douce clarté vient éclairer l'Orient. Est-ce la jeune aurore qui entrouve au monde ses beaux yeux chargés des langueurs du sommeil? Déesse charmante, hâte-toi, quitte la couche nuptiale, prends la robe de pourpre, qu'une ceinture moelleuse la retienne dans ses nœuds, que nulle chaussure ne presse tes pieds délicats, qu'aucun ornement ne profane tes belles mains faites pour entr'ouvrir les portes du jour. Mais tu te lèves déjà sur la colline ombreuse. Tes cheveux d'or tombent en boucles humides sur ton col de rose. De ta bouche s'exhale un souffle pur et parfumé. Tendre déité, toute la nature sourit à ta présence. Toi seul verse des larmes et les fleurs naissent. À la lune, chaste déesse, déesse si pure que jamais même les roses de la pudeur ne se mêlent à tes tendres clartés. J'ose te prendre pour confidente de mes sentiments. Je n'ai point non plus que toi à rougir de mon propre cœur. Mais quelquefois, le souvenir du jugement injuste et aveugle des hommes couvre mon front de nuages, ainsi que le tien. Comme toi, les erreurs et les misères de ce monde inspirent mes rêveries. Mais plus heureuse que moi, citoyenne des cieux, tu conserves toujours la sérénité. Les tempêtes et les orages qui s'élèvent de notre globe glissent sur ton disque paisible. Déesse aimable à ma tristesse, verse ton froid repos dans mon âme. L'innocence, fille du ciel, aimable innocence, si j'osais de quelques-uns de tes traits essayer une faible peinture, je dirais que tu tiens lieu de vertu à l'enfance, de sagesse au printemps de la vie, de beauté à la vieillesse et de bonheur à l'infortune. Qu'étrangère à nos erreurs, tu ne verses que des larmes pures, et que ton sourire n'a rien que de céleste. Belle innocence, mais quoi? Les dangers t'environnent, l'envie t'adresse tous ses traits. Trembleras-tu, modeste innocence? Chercheras-tu à te dérober au péril qui te menace? Non, je te vois debout, endormie, la tête appuyée sur un autel. Mon frère accordait quelquefois de courts instants aux ermites de Combourg. Il avait coutume d'amener avec lui un jeune conseiller au Parlement de Bretagne, M. de Malfilâtre, cousin de l'infortuné poète de ce nom. Je crois que Lucile, à son insu, avait ressenti une passion secrète pour cet ami de mon frère, et que cette passion étouffée était au fond de la mélancolie de ma sœur. Elle avait d'ailleurs la manie de Rousseau sans en avoir l'orgueil. Elle croyait que tout le monde était conjuré contre elle. Elle vint à Paris en 1789, accompagnée de cette sœur Julie dont elle a déploré la perte avec une tendresse empreinte de sublime. Quiconque la connut l'admira, depuis M. de Malesherbes jusqu'à Champfort. Jetée dans les cryptes révolutionnaires à Rennes, elle fut au moment d'être renfermée au château de Combourg, devenue cachot pendant la Terreur. Délivrée de prison, elle se maria à M. de Caux, qui la laissa veuve au bout d'un an. Au retour de mon émigration, je revis l'amie de mon enfance, je dirai comment elle disparut quand il plut à Dieu de m'affliger. Revenue à Montboissier, voici les dernières lignes que je trace dans mon ermitage. Il le faut abandonner, tout rempli des beaux adolescents qui déjà dans leurs rangs pressés cachaient et couronnaient leur père. Je ne verrai plus le magnolia qui promettait sa rose à la tombe de ma Floridienne, le pin de Jérusalem et le cèdre du Liban consacrés à la mémoire de Jérôme, le laurier de Grenade, le platane de la Grèce, le chêne de l'Armorique, au pied desquels je peignis Blanca, chantais Cymodocée, inventais Véléda. Ces arbres naquirent et crurent avec mes rêveries, elles en étaient les amadriades. Ils vont passer sous un autre empire, leur nouveau maître les aimera-t-il comme je les aimais? Il les laissera dépérir, il les abattra peut-être. Je ne dois rien conserver sur la terre. C'est en disant adieu au bois d'Aulnay que je vais rappeler l'adieu que je dis autrefois au bois de Combourg. Tous mes jours sont des adieux. Le goût que Lucile m'avait inspiré pour la poésie fut de l'huile jetée sur le feu. Mes sentiments prirent un nouveau degré de force. Il me passa par l'esprit des vanités de renommée. Je crus un moment à mon talent, mais bientôt, revenu à une juste défiance de moi-même, je me mis à douter de ce talent, ainsi que j'en ai toujours douté. Je regardais mon travail comme une mauvaise tentation. J'en voulus à Lucile d'avoir fait naître en moi un penchant malheureux. Je cessai d'écrire et je me pris à pleurer ma gloire à venir comme on pleurerait sa gloire passée. Rentré dans ma première oisiveté, je sentis davantage ce qui manquait à ma jeunesse. Je m'étais un mystère. Je ne pouvais voir une femme sans être troublée. Je rougissais si elle m'adressait la parole. Ma timidité, déjà excessive avec tout le monde, était si grande avec une femme que j'aurais préféré je ne sais quel tourment à celui de demeurer seule avec cette femme. Elle n'était pas plutôt partie que je la rappelais de tous mes vœux. Les peintures de Virgile, de Tibulle et de Massillon se présentaient bien à ma mémoire. Mais l'image de ma mère et de ma sœur, couvrant tout de sa pureté, épaississait les voiles que la nature cherchait à soulever. La tendresse filiale et fraternelle me trompait sur une tendresse moins désintéressée. Quand on m'aurait livré les plus belles esclaves du sérail, je n'aurais su que leur demander. Le hasard m'éclaira.